Là, sous des cieux connus, sous les collines sombres qui couvrirent jadis mon berceau de leurs ombres, plus près du sol natal, de l'air et du soleil, d'un sommeil plus léger, j'attendrai le réveil. Là, ma cendre, mêlée à la terre qui m'aime, retrouvera la vie avant mon esprit même, verdira dans les prés, fleurira dans les fleurs, boira, des nuits d'été, les parfums et les pleurs. Et quand du jour sans soir, la première étincelle viendra me réveiller pour l'aurore éternelle, en ouvrant mes regards, je reverrai des lieux adorés de mon cœur et connus de mes yeux, les pierres du hameau, le clocher, la montagne, le lit sec du torrent et l'aride campagne. Et rassemblant de l'œil tous les êtres chéris dont l'ombre près de moi dormait sous ses débris, avec des sœurs, un père et l'âme d'une mère, ne laissant plus de cendre en dépôt à la terre, comme le passager qui des vagues descend jette encore au navire un œil reconnaissant, nos voix diront ensemble, à ces lieux pleins de charme, l'adieu, le seul adieu qui n'aura point de larmes.